et les fins des automnes au bitume dur d'un champ d'étoiles, libelle d'amertume, prit leur la seule pour un voile, lumière des villes, comme des balises, chiffre les délires. Du temps qui s'enlise à marcher tout le temps, sans peur de l'inconnu, te sourit gentiment, et puis il te tue, mais fuis-toi un peu trop. Plutôt que trop confiante sur les routes de la nuit, il y a la mort lente et son regard fond dérive de sa torpeur. Besoin de chair blanche, besoin de chair blanche, besoin de chair blanche, dévorer les cœurs. Après tout, c'est de ta faute, tu n'avais qu'à ne pas vouloir la liberté, la liberté. Dans le fossé, il y a ton visage souriant encore hier. Le sac à dos est renversé, tes yeux sont grands ouverts, violet frappé et encore rouillé. Le rêve d'un monstre. Après tout, c'est de ta faute, tu n'avais qu'à ne pas vouloir la liberté, la liberté.